Marseille, bébé. On va les monter en l'air. Bientôt, on choisit dans quel bouche on met nos bites. Coffre. Laisse. J'étudie les grands dossiers, je traîne avec grand, monsieur. Doigt dans la prise, elle vient dans ma matrice. Je mets que le doigt dans sa chatte. Foie dans la cheese, y'a mon blast dans la loge, y'a mon blast dans la jave. Hey, je vais la foutre en entier que ça prenne une journée ou toute ma putain de vie. Je vais trouver ton corps sans tâcher mon marquette. Ma bite si tu gagnes, capitale du crime comme à Bogota. Mais nous c'est Marseille, science infuse, mon silence fait du bruit. Au-dessus de la tête, tout le monde a un paye. Le but c'est de pas être le plus abordable. Les refs me disent pour toi, on le fait gratuit. C'est rouge et l'océan, je parle aux oracles et je m'assois à l'évent. Si je bois du sky, j'ai la nausée, j'ai power comme magicien d'os. Flingue les Yankees névrosés, au-dessus, je suis celui qui te remet ta dose. Filio des putains à Hiro, enfant de la nuit, je suis Nagasaki, sur la terre des CEO. J'ai changé d'équipe, changé d'allié, je parle un peu moins, maintenant tu fais le pitre. Mais tant qu'on y est, on m'a dit que tu balances, t'es un suceur de bille. Tu sais pas nier, je te baisse ta mère, envoyez-moi des pics. J'fais des billets, j'fais des billets, coffre. Pour un genre respect, c'est mieux que de l'art. J'ai pas tout réussi, papa, mais j'fais au mieux, non. Je n'entends pas leur bénédiction. Encore sous un drap, ici c'est périlleux, non. Viens, dans mes bras, tu vas sentir le claque contre toi. J'ai enterré mon père et mes rêves de gosse. Les taux ils auront peur que de Dieu et de gosse. On va lui faire la peau. Elle a donné le coup donc on opère la go. Dans le délai ça sera peine pleine trop. Ça fait 400 000 ans que j'ai pas fait l'auto. Alléluia, alléluia. Maman c'est pas une pute, tu ressembles à Bouya. Plus de sentiments les gars je fais les bouillas. Plus d'arrangements même si tu connais Rouya. Hey, oh, tu nous fais chier. Si je te lève dans la vie c'est pour ta pute de merde. Les dons on pourra bien dormir. J'ai payé le commissaire on aura plus d'emmerde. Dans le Périgord j'ai des bails de tout battre. Je suis avec Auvergne, on déjeune sur les gouttes. J'ai les chevilles sur les coins des amis sur le goût. Ils me prédèrent comme mon précieux, ils seraient good. T'es la quête, j'tiens les manettes. On fait dans la CC, on investit dans la net. C'est moi qui les ai payés, ils pensent à me la mettre. Je vais les allumer, demander pardon à la mec. Je vais te péter les genoux, tu chantes au téléphone dehors. Tu vas faire air, j'ai du plomb pour toi aussi, pour celui qui intervient. Payday ton poignet, sa mère une locus. J'parle au taulier, sa mère l'intermédiaire. Faut que j'fais le rond-point tout bleu. J'ai pas surteinté les vides dans mon caisson. J'fais photo au feu rouge, j'fais la pour la moisson. C'est mieux que là, j'ai pas tout réussi, papa, mais j'fais au mieux, non. Je n'entends pas leur bénédiction, encore sous un bras, ici c'est périlleux, non. Viens, dans mes bras, tu vas sentir le claque contre toi. Tu parles un peu moins, maintenant tu fais le pitch. Je vais péter les genoux dehors, tu vas faire air. Tu sais pas nier, hey. Je parle au taulier, sa mère l'intermédiaire. Je te baisse ta mère, envoyez-moi des pics. Ouais, je le S. Je fais des billets, je fais des billets. Coffre. Le courage, le respect, c'est mieux que là. J'ai pas tout réussi, papa, mais je fais au mieux. Tu vas sentir le tag contre toi. Le courage, le respect, c'est mieux que l'heure.